Le 21 juillet, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié un entretien qui dit notamment: à la conférence au sommet Asie-Europe tenue en Mongolie, Pakone a péroré ça et là qu'il faut dénucléariser le Nord et l'amener à un changement désirable et qu'émander l'application de la mesure de sanction. Elle a révélé de nouveau son sentiment de refus et son hostilité invétérée à l'égard de ses compatriotes et son ambition de confrontation, et c'est une nouvelle conduite répugnante sur la scène internationale. Depuis sa prise du pouvoir, elle a effectué une vingtaine de tournées à l'étranger, et chaque fois, elle n'a fait que chicaner ses compatriotes et prétendre la confrontation devant qui que ce soit et sans égard à l'ordre du jour. Sa récente tournée a été pour éviter la protestation de la population sud-coréenne contre la décision sur la disposition du SAD pour les intérêts américains. Elle doit bien savoir que c'est la peine perdue de parler de la dénucléarisation du Nord et de la sanction contre le Nord, que personne n'y prête l'oreille et que ses propos ne causent que la pollution sonore. Elle a montré clairement qu'elle vend les intérêts de la nation aux forces extérieures et qu'elle ne cause que malheur et souffrance aux compatriotes. Traîtresse à la nation, elle sera punie sévèrement par l'histoire pour ses forfaits sans pareil.